Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Deuxième épisode. Le jeune diplomate anglais Mount Olive a été reçu dans la propriété de riches féodaux coptes, les Rosnani, à quelques kilomètres d'Alexandrie. Il y a fait la connaissance du patriarche Faltus, dont les forces s'étiolent par la faute d'une terrible atrophie musculaire, et de ses fils, Nessim et Narouz. Et surtout, il a été subjugué par la mère, Leïla, qu'il a initié aux joies et aux tourments de l'amour et de la sensualité orientale. Nommé à l'ambassade britannique de Prague, Mount Olive avait été au désespoir de quitter Leïla, bien qu'elle eût tenté de le rassurer. Leïla comptait sur les facultés de son esprit pour lui conserver Mount Olive. Elle lui écrivait des lettres ardentes, dans un anglais plein de chaleur ou un français concis. Ces mots ne trahissaient qu'une seule fin, la fin dévorante d'amitié, la peur d'être oublié. Mon très cher amour, je me sens d'une certaine façon plus près de toi aujourd'hui, sur le papier, que je ne l'étais avant notre séparation. Pourquoi, je ne le sais pas très bien. Mais il est heureux, en un sens, que nous soyons tous deux des solitaires, avec de grands espaces vierges dans le cœur, et que nous ayons encore besoin l'un de l'autre. Pour Mount Olive, au fil des années, l'image de Leïla ne s'évanouit pas, mais subit une nouvelle et enivrante mutation à mesure qu'elle prenait forme sur le papier. Elle devint son guide, sa confidente et son unique source d'encouragement. Il y eut un silence après son télégramme annonçant à Mount Olive la disparition de Faltus. Puis une lettre, d'un ton tout différent de celle qu'elle avait écrite jusque-là. Je ne sais plus où j'en suis. Maintenant que Faltus est mort et enterré, je n'ai d'autre vie que celle que je partage avec toi. Une vie sur le papier. L'idée m'est brusquement venue cette nuit qu'il nous restait peut-être encore 6 mois ou 1 an à passer ensemble avant que notre lien ne casse pour de bon. Serais-tu embarrassée, gênée, si je débarquais à Paris dans 2 mois? T'avoir à moi quelques semaines avant que je revienne vivre ici. Qu'il est difficile de renoncer à l'espoir. Décourage-le sans plus attendre, pour que je sois en paix lorsque je reviendrai. Et que je te considère simplement, comme un peu plus que mon meilleur ami. Et là que c'est déloyal de me donner le choix. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Le destin ne permit pas à Leïla de mettre à exécution son projet. Une carte postale, rédigée d'une nouvelle écriture, informe, dispensa Mount Olive de prendre une décision. Ne m'écris plus avant que je sois en mesure de te lire. Je suis bandée des pieds à la tête. Quelque chose d'affreux, de très définitif. Est arrivé. Quelques jours plus tard, un télégramme de Nessim parvint à la chancellerie. Maman atteinte de petite vérole, visage surtout, souffre beaucoup, anéantie et courageuse, elle vous écrira. Mount Olive attendait dans les affres de l'incertitude que leur correspondance reprenne son cours normal. Il écrivait tantôt à Nessim, tantôt à Narouz. Mon cher Nessim, peut-on espérer une guérison, même partielle? Je ne veux pas m'illusionner. Dites-moi, je vous en prie, ce qu'il en est. Un gouffre s'est brusquement creusé sous mes pieds. Arriva enfin une lettre de Leïla, de cette nouvelle écriture incertaine et chaotique. C'est une étrange expérience de voir son propre visage criblé de petits cratères, ses traits boursouflés et brouillés. Je crains qu'il ne faille m'accoutumer à l'idée que je suis devenue une vieille sorcière. Ce n'est pas un visage à promener à travers l'Europe. et il n'oserait pas te faire l'affront de se produire en public à tes côtés. Je viens de commander une douzaine de voiles noires, comme en portent encore les pauvres femmes de chez moi. J'ai également demandé à mon bijoutier de me fabriquer de nouveaux bracelets et de nouvelles boucles d'oreilles. C'est pour me donner un peu de courage. Si tu savais comme j'ai maigri ces derniers temps, ma voix aussi a changé. Le plus pénible, ce fut encore d'être obligé de rester dans des pièces sans lumière. Les voiles me libéreront. Oui, naturellement. J'ai aussi songé au suicide. Mais si je suis encore en vie, ce n'est pas pour m'apitoyer sur mon sort. Ou peut-être, la vanité féminine ne va pas, comme on le croit, jusqu'à en mourir. Je t'en prie, ne prends pas un air solennel pour me plaindre. Que tes lettres soient toujours aussi gaies, tu veux bien. Ainsi s'ouvrit une nouvelle ère. Leïla passa des années à Karmabouguirg, recluse, excentrique et voilée, à écrire de longues et magnifiques lettres, vagabondant en esprit dans cette Europe perdue que Mount Olive parcourait toujours. J'ai remarqué dans la revue Values, numéro 7, de singuliers poèmes signés Ludwig Perswarden. Il y a là quelque chose de rude qui sonne neuf. Si tu vas à Londres la semaine prochaine, renseigne-toi sur lui, s'il te plaît. C'est cette requête qui fut à l'origine de la première entrevue de Mount Olive avec le poète qui allait jouer, par la suite, un rôle si important dans sa vie. Il ne fut pas peu surpris d'apprendre que Perswarden était attaché culturel. Il l'appela et ils prirent rendez-vous pour le soir même au bar du Compasses. L'homme était beau, assez grand et bien bâti, cheveux noirs, petite moustache. La jeune femme se tourna vers son compagnon. Elle était d'une beauté remarquable. Mais son air étrangement placide étonna Mount Olive et il lui fallut quelques secondes pour comprendre qu'elle était aveugle. David Mount Olive, enchanté. Ludwig Perswarden, ma sœur, Liza. Bonsoir. On peut se mettre devant la cheminée? Bien sûr. Liza, ma chérie? Un verre de vin blanc. N'est-ce point une joie pour toi de voir la terre enluminée, le vin, plaisir possible, ainsi qu'une pucelle aux cheveux gris. Abou Nawas, un Rimbaud arabe. Ah, j'ai fait mes premières armes en Égypte. J'y pars dans quelques semaines. Je suis nommé à Alexandrie. Alexandrie ? Liza, tu sais ce qui m'a bouleversé toute la journée? Dis-moi. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Blake. J'espérais voir des signes de cet événement sur la mine des gens de ce pays. Et je regardais partout autour de moi, mais non, rien. Liza, chérie, fêtons l'anniversaire du vieux con, hein? Toi, moi et David Montolive ici présents. Allez, venez. Où nous emmènes-tu? Danser pour Blake à Trafalgar Square. Mount Olive termina la soirée dans le salon d'un club privé. Il feuilleta longuement la plaquette de poèmes que Perswarden lui avait offerte. Il fut tout à coup intéressé par un poème qui heurta sa mémoire et lui provoqua un frisson d'inquiétude. Il était dédié à la sœur du poète. C'était indubitablement un poème d'amour. Il en lut la dédicace. À une jeune aveugle dont la chevelure est peinte en noir. Ils ne se revirent pas cette année-là, bien qu'à une ou deux reprises, Mount Olive essaya de téléphoner à Perswarden. En revanche, il réussit à joindre Liza et il l'emmena dîner plusieurs fois, trouvant en elle une compagne délicieuse, émouvante même. De cette rencontre, il ne parla pas à Leila. À Alexandrie, les pâles rayons du soleil d'après-midi s'allongeaient, éclaboussant les longues courbes de l'esplanade, et les pigeons ivres de lumière se pressaient sur les minarets pour baigner leurs ailes aux derniers éclats du couchant. Elle s'en allait vers la ville, d'une démarche nonchalante. Elle abandonna un moment les vieux lambeaux de sa chair, tandis que montaient les bribes nasillardes d'une chanson d'amour syrienne. Certains disaient qu'elle n'était qu'une pâle reproduction moderne des grandes étaïres du passé, Laïs, Caris et les autres. Elle avait le pouvoir de blesser les hommes, et elle les blessait. Comme tous les êtres amoureux, il y avait de la déesse en elle. Justine. Vous direz à Monsieur Osnani que je l'attends dans le petit salon. Au même moment, Nessim, vêtu d'un costume de lin blanc, sortait de la grande demeure alexandrine des Rosnani. Sa voiture l'attendait devant le perron. Il descendit le boulevard Sahad Zaglul, traversa la voie du tram et se laissa glisser par les pentes qui menaient à la mer. Justine. Comment tout cela va-t-il se terminer ? Par ma victoire ? Par ma défaite ? Bonjour, monsieur Osnani. El Haram, le progrès égyptien ? Les deux, comme d'habitude ? Comme d'habitude, merci. Bonne journée, Prince Nessim. Bonne journée. Prince Nessim était évidemment une plaisanterie. Du moins pour les boutiquiers et les commerçants en jaquette noire qui voyaient passer le riche banquier copte dans sa grande Rolls métallisée au chapeau de roue jonquille. Mais le surnom convenait admirablement à Nessim, car il y avait quelque chose de princier dans le détachement qu'il affectait devant l'âpreté du gain commune à tous les alexandrins, même les plus riches. Pourtant, sous ses dehors aimables et nonchalants, se cachait une lucidité impitoyable. Et ses employés s'étonnaient toujours de voir qu'en dépit de son air absent, aucun détail de ses affaires ne lui échappait. Il le tenait pour une sorte d'oracle. Justine était debout, sous les palmiers poussiéreux du petit salon, son long index recourbé sur la chaînette qui sertissait son cou magnifique. Elle regardait un couple de vieillards qui jouaient aux échecs. Nessim s'approcha doucement et ils restèrent là, tous les deux, un instant. Elle regardant les joueurs et lui la regardant. Justine. Venez. Sexuelle, nous y sommes tous passés, mais de là à tomber amoureux. Nous partons comme tous les automnes chasser en Écosse. Ça doit être magnifique. Nous contentons depuis 5 ans d'aller prendre le réseau. La couleur verte. Bienvenue. Un bleu du mairie, bien assaisonné. Votre appel m'a étonné. Nous nous connaissons à peine. Qu'avez-vous donc de si urgent à me dire? C'est vrai que nous ne faisons que nous croiser. Et pourtant... Pourtant ? Je suis venu vous demander de devenir ma femme. Devenir quoi ? Voulez-vous m'épouser, Justine ? Vous vous moquez de moi ? Pas un instant. Ce que vous me dites là... m'horrifie. C'est tellement, tellement. Mais enfin, quelle idée! Je ne vous aime pas. Je ne pourrais pas aimer un homme tel que vous. Je ne pourrais jamais vous donner un seul instant de bonheur. Vous en êtes si sûre que ça? Ou alors ce serait pour me servir de votre fortune. Et ça, je ne le pourrais jamais. Se servir d'un homme pour son argent, non. Dans cela, je ne pourrais jamais le faire. Et se servir de ma fortune pour faire quoi? Justine, dites-moi. De quoi avez-vous besoin? De mon enfant. La petite fille qu'on m'a volée quand elle avait 6 ans. Je sais qu'elle est quelque part en Égypte, seule. Souffrant, maltraité peut-être. Je vous aiderai. Et puis je voudrais aussi fuir, loin du monde. Me cacher dans un coin tranquille où je pourrais être moi-même. Ça aussi, je peux vous le donner. Et si c'est l'argent qui vous tracasse... Pour qu'une inégalité de fortune n'influe pas sur votre décision, laissez-moi vous faire un cadeau d'anniversaire qui vous permettra d'être totalement indépendante. Tenez. 3000 livres. Cela ne vous offense pas, au moins? Non, cela vous ressemble. Seulement, qu'est-ce que je peux faire si je ne vous aime pas? Mais vous ne devez pas essayer de m'aimer. Mais alors, quelle sera notre vie? Je vous en prie, dites-moi, Nessim. Je ne peux pas utiliser votre fortune et votre position sans rien vous donner en échange. Si vous voulez bien tenter l'expérience, il n'est pas nécessaire que nous abusions l'un de l'autre. La vie n'est pas très longue. Nous nous devons à nous-mêmes de trouver une voie d'accès au bonheur. Est-ce parce que vous voulez coucher avec moi? Oui, vous le pouvez. Je ferai n'importe quoi pour vous, Nessim. N'importe quoi. Mais que vous êtes bête, mon Dieu. Je parle d'une compréhension, d'une amitié en attendant que l'amour vienne, comme je l'espère. Naturellement, je coucherai avec vous. Je vous aimerai, vous serez mon ami. Je ne peux pas m'enlever de la tête que, de toute la ville, vous êtes la femme dont j'ai le plus besoin. Je peux en désirer d'autres, mais c'est de vous dont j'ai besoin. Vous n'êtes pas homme à tout risquer sur un seul coup de quitte ou double. Ou alors, Nessim, à une seule condition, que nous couchions ensemble absolument cette nuit. Il doit bien se cacher un peu d'intelligence sous vos manières impossibles, mais où se trouve-t-elle donc? Pardon. J'ai affreusement honte de ma vulgarité. En réalité, je ne sais vraiment pas comment me comporter honorablement avec vous sans vous décevoir. Pardonnez-moi. J'accepte. Je suis terriblement heureux. Bien que pour l'instant, je sois furieux contre vous. Il l'embrassa légèrement sur les lèvres. Ils sortirent ensemble et se dirigèrent vers la voiture. Justine se sentit tout à coup très faible. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Commencez à vivre. C'est ainsi que Dorley relatait l'étrange demande en mariage qui avait occupé pendant des semaines la rumeur alexandrine. Il ignorait l'appel téléphonique que Nessim, à peine de retour chez lui, avait donné à l'issue de son entrevue avec Justine. Allô, Da Capo. Vous vous souvenez de mon projet d'épouser Justine? Eh bien, c'est fait. Le comité n'aura maintenant plus rien à dire. Le Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. Traduit par Roger Giroux. Adapté par Eglal Herrera. Deuxième épisode. Avec Christophe Giordano Darley, Anne Alvaro Leila, Didier Sandre Nessim, Valérie Lang Justine, David Jesselson Mount Olive, Thibaut Vinson Perswarden, Juliette Roudet Liza. Et les voix de Selim Saber, Sabrina Baldassara. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Serge Ristich, Claire Levasseur, Dimitri Scapolan, Annabelle Brouard, Christine Bernard-Sugy.